Daniel, je sais pourquoi, chapitre 12. Liberté avant le devoir. Éprouvant de nouveaux désirs, je voulais encore vivre l'ambiance de mes premiers émois, ce qui auparavant m'extirpait d'un cauchemar, celui de ma dernière existence terrestre. Je demandai à ma mère si elle voulait m'accompagner. J'étais décidée et voulais continuer à voir le monde, celui qui se forme autour de nos besoins. En fait, j'étais comme cet homme qui, à la veille de son incarcération, veut jouir de ses dernières heures de liberté. J'étais, je crois, assez abject, mesurant ici l'incarnation comme une punition. Pourtant, tout autour de moi me montrait le contraire. Oui, mais lorsque c'était de ma propre naissance dont il était question, je n'étais plus objectif. Ma mère, quant à elle, usait de conseils et de persuasions pour que j'en prenne conscience, car tôt ou tard, l'existence devant nous rassembler encore une fois sur terre arriverait, et avec elle, le besoin d'y remédier. Je comprenais tout cela, mais mon état d'âme semblait plus fort que jamais. Me remémorant les enseignements de mon guide, qui, à chaque occasion, me plaçait en face de mes responsabilités, j'étais dans la position indécise où je devais dire « oui » ou « non ». De plus, je voyais bien que mon futur père était encore en ces instants de réflexion un enfant. Un certain temps s'étalait devant moi avant que je puisse m'incarner et je devais le combler. Il est vrai que je connaissais la courbure du temps et sa relativité. Les distances séparant les choses étaient donc relatives. Pouvais-je alors voler jusqu'à ma naissance en escamotant l'horizon devant moi? Je ressentis là le besoin de parler à mon guide. Sans attendre, celui-ci apparut et me dit « Tes réflexions sont justes, Daniel, mais il est certain que ton esprit ne se débarrassera pas de ce monde à travers la fuite. Sache que les éléments constitutifs des événements matériels ne sont que l'extrémité du message, l'essentiel étant dans ton cœur. Un peu comme pour le texte que l'on lirait mais que l'on ne comprendrait pas. On peut le lire et ne pas assimiler son fondement. Celui-ci devra alors être lu plusieurs fois. Seul le changement intérieur, instruit par l'étude successive du texte, déclenchera la compréhension et l'ouverture. Ta découverte du monde ne doit pas être autrement. Sa visitation, par comparaison, sa lecture, ne sera véritablement assimilée que par l'approche de son essence et ceci ne se fera pas par le seul fait du regard. Il existe tant de choses que l'esprit perçoit, mais que les yeux ne peuvent atteindre, et de nombreuses formes que les yeux mesurent, mais qui n'existent pas pour l'esprit. En effet, je comprends tout cela, mais alors que faire? Rester ici avec ce petit garçon et m'entretenir avec ma mère? Observer mon évolution? Retourner vers Suzanne et regarder mourir Philippe? Essayer de percevoir l'action du mari de Marie-Noël, s'essayant à devenir bon en scrutant les faits et gestes de ma future mère maternelle comme un exemple? Non, il fallait que je serve à quelque chose. Puis, si je pouvais me faufiler dans les coulisses de l'espace, je pourrais éviter le passage de l'incarnation et me retrouver ainsi à ma prochaine mort. Sans oublier que mon guide me prédisait qu'un jour, je m'entretiendrais avec des incarnés par voie médiumnique. Mais quand? Dans quelle erraticité? Celle-ci ou la prochaine après ma future vie sur Terre? Autant de questions affligeantes alors que l'événement demandait l'action. Connaissant les principes qui régissent l'existence spirituelle, je décidai d'entreprendre un autre voyage, celui de ma propre volonté, de mon avenir. Il faut dire que toutes les théories que j'avais entendues, mais aussi expérimentées à travers de multiples épreuves, avaient non pas excité mon ego, mais bien enrichi la teneur de mes investigations. Il ne me semblait pas impétueux de penser ainsi, et je me sentais investi d'une nouvelle étude avant l'éventualité de ma naissance, sans parler de l'affirmation de mon guide sur mon avenir qui me procurait de vives réflexions. En effet, je savais maintenant qu'émotionnellement, je me dirigeais vers une incarnation. Mais devrais-je vivre sur Terre avant ou après ma prochaine expérience médiumnique? Et si je dois mourir une autre fois, quel oubli relatif affectera ma conscience et où me retrouverai-je? Ceci restait obscur et je désirais éclaircir ce point selon ma nouvelle conscience. Décidé, je me lançai dans le monde de mon esprit. Au début, loin de me propulser dans l'avenir, je me retrouvais soudain dans l'obscurité la plus totale, sans y percevoir aucune forme ni aucune frayeur. Et je m'interrogeais. Est-ce cela mon avenir? Mon guide, toujours attentif, me dit. Ne t'étonne pas, Daniel, car tu désires avancer vers ton avenir en soustrayant de ta conscience les modalités de ton existence passée. Tu espères découvrir un avenir en refusant de voir les choses qui le déterminent. Oublies-tu que l'avenir n'existe aux yeux du monde que parce qu'un passé le précède ? Ces extrémités ne sont pas autonomes, mais toutes relatives. Elles demeurent essentielles aux voyageurs. Vous voulez dire que, pour vivre mon avenir, je dois m'appuyer sur mon passé ? Oui, en quelque sorte. Tu ne dois pas concevoir l'avenir comme un néant, mais comme l'extrémité toujours renouvelée d'une action. Ton esprit ne l'envisage pas en son ensemble. Je comprenais. C'est ainsi que, graduellement, les choses du monde terrestre reprenaient place autour de moi. Je retrouvais le petit garçon et l'esprit de ma mère. Récidivant, je voulais connaître l'avenir de cet instant et des acteurs qui s'y trouvaient. J'espérais que le mécanisme du voyage m'emporterait dans la recherche. Soudain, je fus pris d'une sorte d'étourdissement et d'une paralysie. Je sentis que quelque chose stoppait l'élan de mon voyage. « Oh, dis-je, mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce malaise ?» Mon guide m'expliqua. « Tu as ressenti l'étreinte de la matérialité, les sensations de ta future incarnation. Oui, il faut que j'aille plus loin. » Passant à nouveau par cette angoisse, je vis autour de moi se transformer l'endroit où je me trouvais à une vitesse prodigieuse. La nuit et le jour se succédaient dans un rapide clignotement, le ciel semblait en éruption, les pousses des arbres que je distinguais se livraient à une étrange danse ininterrompue. La pluie, qui ne s'arrêtait plus, semblait remonter dans le ciel. Puis, plus rien. La cour disparut dans le calme. Je me retrouvais alors dans un autre espace où existaient plusieurs maisons plus hautes et rapprochées les unes des autres, à la base desquelles jouaient quelques enfants. Les murs de ces ensembles étaient sales et recouverts par endroits de curieux dessins. À la limite du malaise, mon guide m'interpella. Étourdi, je demandais « Ai-je avancé dans le temps ?»« Oui, dit mon guide, tu te trouves ici à l'aube de ton travail et de ta résolution pour l'aboutissement de ton épreuve. » Les efforts que je faisais pour me mouvoir dans cet espace ressemblaient à ceux que nous devrions fournir pour courir dans l'eau. Je savais que cette difficulté était liée à mon voyage dans le futur et l'élément spirituel ne manquait pas de me le rappeler. Concentré, je savais qu'à la moindre distraction, je serais aussitôt catapulté au présent de ma réalité évolutive. Mais j'étais là tout de même, par-delà mon épreuve dans l'incarnation, songeant que pour arriver ici, j'avais vécu une autre naissance et une autre mort. Mais les souvenirs relatifs à ce passage m'étaient encore interdits. Le saut dans le temps, certainement assez long pour y placer une vie d'homme, ne semblait pas avoir changé la forme de vie sur Terre, et rien ne différait ici de ce que j'avais pu voir. Impossible de savoir le temps que j'avais escamoté. L'ambiance demeurait la même que celle où vivaient Marie-Noël, Suzanne et Philippe, c'est-à-dire l'atmosphère inquiétante des grandes cités sombres. Je décidai de continuer mes investigations, espérant trouver les acteurs de ma fabuleuse et enrichissante épreuve que tout me prédisait. Mais comment faire pour capter la place qui m'était réservée et trouver ceux par qui je traduirais ma vie et mes expériences ? Comment me diriger au milieu d'une existence séparée des tenants et des aboutissants de mon évolution ? Car, dans ce voyage, il n'existait pas de fil conducteur. J'étais dans une erraticité qui me désemparait, découvrant sans aucun hier un espace spirituel que je ne devrais peut-être connaître que dans 80 années. Mon guide, à qui tout était facile, m'apparut, glissant dans les airs comme l'oiseau porté par le vent. « Daniel, dit-il en s'adressant à moi avec un drôle d'air, tu peux découvrir les éléments de ton épreuve, mais encore une fois, tu te laisses prendre par les stimuli du voyage. Tu considères ici ta propre expérience comme étrangère à toi. » « Oui, dis-je, mais où sont ces hommes ? Comment les trouver ?» Alors, mon guide m'emporta dans son élan, et ensemble, nous survolâmes d'autres maisons, d'autres tours, d'autres agglomérations. Au passage des rues et des cours intérieures, je percevais des hommes et des femmes vivant leurs épreuves, vaquant à leurs occupations. La légèreté et une certaine violence dans leurs habitudes me gênaient. Mais tout allait très vite, et ma curiosité m'obligeait à être superficielle. S'arrêtant, mon guide me dit « Tu voulais voir les hommes et les femmes avec qui tu travailleras, et tu les as vus. » Irrité, je réclamais « Comment ? Vous me dites là sans vergogne que les personnes que je viens de survoler sans intérêt étaient celles avec qui je communiquerais ? Oh non, ce n'est pas bien. Je voulais les connaître, les observer, et vous me les cachez. Pourquoi ? » « Daniel, chaque chose en son temps. Tu les rencontreras, sois-en sûr. Mais pour le moment, ils ne sont pas prêts et tu ne les supporterais pas. Il faut les laisser mûrir. Puis, si tu te plains de ton manque de perspicacité, de grâce, ne m'en rends pas responsable. » Soudain, le visage de mon guide devint grave. S'approchant de moi, il me dit « Mais avant tout, Daniel, tu dois rencontrer le groupe d'entités Octa qui t'assistera dans ta manifestation. Ce sont eux aussi des messagers, traversant les mondes et les consciences pour l'éveil spirituel. Tu vas apprendre à les suivre, à les comprendre. Tu vas saisir ici toute la différence entre la dispersion et la concentration. » Puis, mon guide me fait signe de le suivre. Nous nous élevâmes à la verticale et, avec un élan époustouflant, fendîmes l'air et le vent pour aller à notre prochaine rencontre.